Exercice 11, page 53. Je me suis inventé un faux prénom. Tout le monde fait pareil, je crois. Et se protège derrière un pseudonyme. J'ai choisi un nom de fleur. Iris.